Avant, on n'imaginait pas une entreprise recruter des talents habitant à l'autre bout de la France. Alors que maintenant, on n'imagine pas une entreprise se priver d'un talent sous prétexte qu'il habite à l'autre bout de la France. Comme quoi les temps changent. Le tout étant de pouvoir changer avec. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après. Découvrez toutes nos solutions de télétravail sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, la grande aventure de la science, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a une épidémie qui résiste et qui nous oblige à regarder le monde scientifique avec un œil neuf et pourquoi pas l'exploration des imaginaires liés aux épidémies. Alors pour commencer, les personnages. Une philosophe métaphorique, un médecin admiratif, un anthropologue prudent, un virologue qui suppose, des journalistes qui veulent informer et un sociologue qui analyse. Ensuite, le décor. Des virus, un marché aux animaux, un laboratoire, des chaînons manquants, un film catastrophe, des abattoirs, des boîtes de nuit, des voyages, le pangolin, la chauve-souris, la Chine, l'effet blouse blanche, la politique, la science-fiction et l'imagination. Aujourd'hui, premier épisode, on voit la contagion partout. C'est vrai que les virus ont besoin d'un vivant pour se reproduire, deviennent vivants en pénétrant avec succès un vivant. La métaphore que j'aime bien là-dessus, c'est comme s'ils étaient des exilés de la vie. Chaque fois que des virus sont lâchés dans la nature, au lieu de pouvoir se reproduire à l'intérieur d'un vivant, eh bien c'est comme si leur seule perspective, si je peux dire, c'est trouver une terre d'accueil, une terre qui veut bien les accueillir. Le rêve, c'est pas du tout de tuer le porteur, celui qui les a accueillis. Ils courent leur chance. Et c'est une véritable rencontre. Une véritable rencontre entre un corps vivant et cet être qui demande une hospitalité qui le rendra vivant. Les imaginaires d'une épidémie. Les autorités chinoises se retrouvent confrontées à une crise sanitaire majeure. 25 janvier. Le début de l'épidémie, que maintenant on date à début décembre, était relié à un marché d'une ville Wuhan où on vendait des animaux. Et assez rapidement, ils ont pu identifier une quarantaine de personnes qui étaient en contact avec ce marché. Les deux tiers d'entre elles étaient des vendeurs du marché, développaient ces pneumonies. Un virus ne peut pas survivre tout seul dans la nature. Luc Perrineau, médecin. Un virus ne peut survivre que dans la cellule d'un hôte. Donc déjà, c'est quelque chose qui, d'un point de vue microbiologique, est très fragile, un virus. Il a une dépendance complète à son hôte, il ne peut même pas se reproduire tout seul. Dans le monde microbien, en gros, il y a les bactéries, les virus. Je ne vais pas parler des protozoaires, c'est compliqué. Donc, bactéries, virus. Les bactéries, elles ont une vie autonome. C'est des êtres vivants qui peuvent se reproduire et qui n'ont pas besoin de nous. Quand ils nous trouvent, c'est bien, ça leur fait un garde-manger, c'est parfait. Mais ils peuvent se reproduire. Les bactéries se reproduisent dans la rue, partout. Voilà. Alors, si vous définissez la vie par ce qu'on appelle l'autonomie reproductrice, les bactéries sont des êtres vivants comme nous. Si vous définissez la vie par les êtres qui répondent aux lois de l'évolution, les virus sont aussi des êtres vivants puisqu'ils répondent aux lois de l'évolution. Donc là, c'est une querelle de scientifiques. Je vous dis que pour l'instant, la grande majorité, on va dire les 4/5, ont classé les virus dans le monde vivant. Ce sont des êtres vivants, mais qui sont d'une grande fragilité. Ils ont deux bonnes options de survie, les virus. Soit ils rentrent dans une cellule et ils se font le plus discret possible. Ils ne font pas de bruit pour pas déranger leur hôte. Et là, ils vont pouvoir se reproduire au rythme des cellules, avec la cellule. Ça a des fois tellement bien marché, cette stratégie donc de l'incognito, qu'ils ont fini par intégrer l'ADN de nos cellules et que nous avons dans nos cellules un fort pourcentage d'origine virale acquis au cours des milliers d'années. Et quand ils n'ont pas cette stratégie optimale, Leur stratégie, c'est donc de se multiplier très vite dans la cellule pour pouvoir se répandre en dehors de la cellule et contaminer d'autres cellules. L'ennui, c'est quand vous faites ça, vous ne passez pas inaperçu de votre hôte. Et votre hôte va organiser des défenses pour lutter contre le virus, donc c'est toute l'immunologie. Hein. Donc ces virus qui ont cette stratégie « je me multiplie vite dans la cellule pour vite pouvoir contaminer d'autres cellules », eh bien c'est une stratégie qui peut être, lui être néfaste parce qu'on va le tuer, on va nous chercher à l'éliminer, donc c'est pas très bon. Donc finalement la meilleure stratégie pour un virus, c'est la stratégie optimale intermédiaire. Je fais le moins de dégâts possible chez mon hôte pour pas qu'il m'attaque violemment, pour pas qu'il me tue, et j'essaye la stratégie de me diffuser le plus vite possible chez un maximum d'hôtes. La virulence est toujours une mauvaise stratégie pour un virus. Si je suis trop virulent, bah je vais avec un fusil chez mon hôte, mais lui il en a un, il me tue, donc c'est pas bon. Et la diffusion, c'est la meilleure stratégie. Hein. Je me diffuse le plus possible. Et quelle est la plus belle et la merveilleuse façon de se diffuser quand on a les êtres, les mammifères comme hôtes, hein, eh bien, c'est respiratoire. Dès qu'on respire, dès qu'on parle, dès qu'on postillonne, on va balancer des tas de virus. Donc le virus, il a sa, non pas sa survie assurée, mais sa reproduction assurée. Vous savez que la reproduction, c'est plus important que la survie en termes d'évolution. Hein. On doit d'abord se reproduire, la survie est secondaire. Donc il a trouvé la meilleure stratégie possible. Maintenant, vous l'avez vu, l'épidémie s'est largement étendue, Wuhan, les villes voisines et au-delà. On parle de plus de 1000 patients. Les modélisations mathématiques parlent de plusieurs milliers de patients, 4000 qui vont bientôt passer à plus. Donc c'est un travail gigantesque à mener pour les services sanitaires chinois. On a un imaginaire qui est peut-être hanté par la grande peste. Isabelle Stengers, philosophe. Là, c'était assez simple. Beaucoup de gens mouraient, les gens, enfin la plupart de ceux qui étaient touchés, mourait et mourait de manière visible. Donc c'était un fléau infligé par Dieu, sans doute. Tandis que celui-ci, il est... Et c'est d'autant plus étonnant qu'il semblait avoir des rapports très pacifiés avec les fameuses chauves-souris et pangolins qui étaient leurs habitats préalables. Et chez nous, ils se sont montrés redoutablement imprévisibles. Si je peux parler comme si c'était une idée qui leur était venue ou une invention de leur part, ce qui est évidemment une image, mais enfin, l'idée d'une phase présymptomatique pendant laquelle ils peuvent contaminer en paix, l'idée de la diversité des symptômes et l'idée de l'incertitude profonde où ils nous mettent, c'est génial. Je dois dire que je suis frappée d'admiration face à la capacité de nuire de quelque chose qui pourtant ne tue pas beaucoup. Et puis, pour eux-mêmes, si je peux continuer dans la métaphore, l'idée de trouver un monde où tout circule, sauf les migrants, hein, tous les voyageurs capables de se payer un billet et ayant des papiers, toutes les marchandises, où tout circule à toute vitesse, alors qu'auparavant les épidémies mettaient des années à se propager, par exemple à travers l'Europe. Ça, c'est aussi une grande surprise pour l'espèce virale. Ils n'avaient jamais rencontré ça sur Terre. Donc, eux aussi rencontrent une Terre nouvelle, dotée de cibles de type nouveau. Vous avez vraiment travaillé sur le terrain, Frédéric Keck, et par exemple l'hypothèse d'une souche échappée d'un laboratoire P3, ça vous semble crédible ou pas du tout? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, puisqu'il reste surprenant que le premier cluster ait été détecté à Wuhan, qui est une ville du centre de la Chine, où donc les contacts entre les humains et les chauves-souris ne sont pas majeurs. On sait par ailleurs que dans cette ville, il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des virus de chauves-souris. En même temps, les laboratoires qui travaillent sur ces virus sont quand même hautement sécurisés. Celui de Wuhan a justement été construit avec l'aide technique de la France. Donc on ne peut pas totalement exclure un accident technologique, hein, un peu comme une centrale nucléaire, même si toutes les conditions de sécurité sont réunies, c'est un événement qui a une probabilité minime, mais aux conséquences catastrophiques. En même temps, le scénario le plus probable, ça reste effectivement que dans ce marché aux animaux, les hommes sont en contact avec une espèce qui aurait été en contact avec des chauves-souris. De toute façon, ce virus a une origine animale, hein, que ce soit par la médiation du laboratoire ou par la médiation du marché. Vous avez déjà écrit un ouvrage, Frédéric Keck, il y a une dizaine d'années, qui était intitulé « Un monde grippé », puisqu'évidemment, on a eu plusieurs préparations à cette pandémie. Il y a eu les épisodes du H5N1, H1N1. Et on voit que cette pandémie est vraiment nourrie d'un imaginaire, voilà, la quarantaine. On a vraiment des exemples historiques qui nous hantent et qui ont l'air de guider finalement nos réactions. Oui, moi j'ai effectivement travaillé avec des virologues qui se préparent aux pandémies venues du sud de la Chine, donc à Hong Kong, à Taïwan et à Singapour. Et ces virologues ont été notamment mobilisés autour des virus de grippe, puisque c'est à Hong Kong, au moment de la rétrocession de la colonie britannique à la République de Chine, qu'est apparu le virus H5N1 en 1997, donc, qui se transmettait des volailles aux humains. Et à partir de là, effectivement, on a surveillé tous les virus de grippe qui circulaient chez les oiseaux, chez les cochons, en se disant que peut-être il en apparaîtrait un qui causerait la prochaine pandémie. On pensait beaucoup à la grippe espagnole de 1918. Et c'est à Hong Kong qu'est apparu le virus du SRAS en 2003. Et ce sont ces mêmes virologues donc qui anticipaient un virus de grippe qui ont identifié le coronavirus de chauve-souris en 2003. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est les techniques qui ont été mises en place pour anticiper les pandémies au niveau animal. Donc, tout un contrôle de la chaîne alimentaire qui commence par les fermes, les marchés, où on va prélever régulièrement des animaux. Et ces animaux sont considérés comme des sentinelles des pandémies, c'est-à-dire à la fois des capteurs et en même temps des soldats qui sont sur la première ligne de front avec les virus. Et donc, c'est cette alliance entre les hommes et les animaux qui m'a intéressé. Le virus le plus proche de SARS-CoV-2 qu'on a caractérisé, c'est un virus de chauve-souris. Jacques Van Elden, bioinformaticien. Donc il y a une souche particulière qui est assez connue, on a beaucoup commenté dans les journaux scientifiques et dans la presse, qui s'appelle RAT-G13. Et en fait, c'est un virus de chauve-souris qui a été prélevé en 2013 dans des mines suite à des contaminations de mineurs d'origine zoonotique, en fait. Et c'est en 2020 seulement qu'on a publié la séquence complète du génome, de ce fameux génome RAT-G13. Et nous, donc, on a inclus ça dans notre analyse de l'évolution des génomes de virus. Et ce qu'on constate, c'est que la distance, en fait, est assez grande. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a 4% de différence sur l'ensemble du génome entre ce génome de RAT-G13 et le génome de SARS-CoV-2. Alors, 4% de différence, ça n'a pas l'air énorme, mais ça représente une distance évolutive de 40 à 70 ans. Donc, ce que ça suggère, c'est que le SARS-CoV-2 ne provient pas directement d'une souche qui dérive de ce RAT-G13. Et donc, il nous manque, en fait, la dernière étape avant la contamination à l'humain. Il y a un endroit dans le génome où le RAT-G13 a une région qui ne ressemble pas du tout, mais vraiment pas du tout, au SARS-CoV-2. Et donc, cette région-là, on a commencé à chercher d'où elle venait. Il y a également un virus de pangolin qu'on a séquencé, et on voit que la séquence qu'on connaît qui lui ressemble le plus, elle provient d'un pangolin. Et c'est là qu'on a effectivement émis l'hypothèse qu'il y avait eu ce qu'on appelle une recombinaison, c'est-à-dire qu'il y a eu un mélange entre deux génomes, où on commence avec le génome d'une chauve-souris, et puis à un moment, il y a un petit morceau du génome qui provient du pangolin, et puis la suite du génome est de nouveau du génome de chauve-souris. Ces recombinaisons, on sait que ça se passe énormément dans la nature, et notamment parce que quand un individu est infecté simultanément par plusieurs virus, il arrive que ces virus se recombinent, c'est-à-dire qu'ils échangent des morceaux de génome. Donc, ça, c'est l'hypothèse qui a été émise pendant tout un temps. C'est qu'on avait un virus recombinant qui résultait d'une recombinaison dans des conditions naturelles entre un génome, un virus de chauve-souris et un virus de pangolin. Actuellement, la communauté scientifique est revenue sur cette hypothèse-là pour plusieurs raisons, notamment d'études de la phylogénie, d'études évolutives, mais aussi parce que les virologues ont fait des expériences en laboratoire et ont montré que ce morceau de séquence de pangolin ne permettait pas au virus de pangolin d'infecter des cellules humaines. Et donc on ne pense pas que c'est comme ça que le SARS-CoV-2 est né. Nous avons séquencé le virus, établi son origine et modelé son mécanisme de pénétration des cellules du cerveau et des poumons. Et le virus contient à la fois des séquences de porc et de chauve-souris. En bas à droite, en vert foncé, c'est porc, en vert clair, chauve-souris. Et là, on voit le croisement porc, chauve-souris, chauve-souris et porc, chauve-souris. Et ici, on voit une modélisation du virus et comment il s'attache à la cellule hôte. Bleu, c'est viral, doré, c'est humain. Rouge, la protéine virale d'attachement. Et vert, c'est son récepteur dans la cellule humaine. On trouve ces récepteurs tant dans les cellules des voies respiratoires que dans celles du système nerveux central. Et le virus s'attache à la cellule comme une clé s'insère dans une serrure. Quelque part dans le monde, il y a eu une mauvaise rencontre chauve-souris-porc. Vous avez déjà vu quelque chose de ce genre ? Non. Et il change sans arrêt. Il a constamment une longueur d'avance sur nous. Un aspect intéressant aussi de ces mutations, c'est que d'un point de vue pratique, elles ont été énormément mises à contribution cette année pour le SARS-CoV, mais précédemment aussi pour d'autres pandémies, notamment Ebola, pour pouvoir tracer l'évolution dynamique de la pandémie. Ça repose sur le fait qu'une fois qu'on est en mesure de séquencer un génome complet en quelques heures, on peut séquencer un grand nombre de génomes, et puis on va, et c'est là que la bioinformatique intervient, en fait, on peut comparer les séquences de tous les génomes dont on dispose, et en les comparant, comme à chaque fois que le virus se réplique, il y a quelques mutations qui se passent, ben, quand on transmet, quand quelqu'un est contaminé et puis transmet le virus à quelqu'un d'autre, il va lui transmettre le virus avec le génome qui lui est propre, mais chez la nouvelle personne, il va y avoir quelques mutations en plus, donc les mutations vont s'accumuler. Et donc, si on peut comparer ce qu'on fait, c'est comparer les séquences des virus qu'on aura prélevés et séquencés chez différents individus, et on va pouvoir faire le décompte des substitutions, des mutations qui ont eu lieu, et ainsi savoir que si on a chez un individu les mutations d'un autre individu, mais aussi les mutations d'un individu qui avait précédemment contaminé le deuxième individu, on peut remonter ainsi à la source, et c'est ce qu'on a fait en fait. Un exemple, c'est en Hollande, où ils ont séquencé les génomes de virus qu'ils avaient prélevés sur l'ensemble des personnels soignants. Et ils ont pu ainsi démontrer qu'il y avait eu des sources multiples dans l'entrée du virus en Hollande. Et notamment, un des foyers était une station de ski, où il y a des Hollandais qui étaient allés passer des vacances, puis ils sont revenus en Hollande. Et donc, sur base de cette comparaison entre les séquences de virus, on peut ainsi retracer l'histoire d'une pandémie. Oui, alors la notion de cluster est assez intéressante parce que elle a remplacé une autre notion qui était assez centrale dans l'imaginaire des pandémies, qui est outbreak. Et en fait, ces deux notions en anglais, bien sûr, l'épidémiologie est majoritairement anglophone, hein, ces deux notions qui veulent dire foyer. Ça, c'est vraiment notre notion à nous depuis la tradition pastorienne. Quand il y a une épidémie, on revient au foyer et on essaye de contrôler le foyer, soit de façon brutale en éradiquant, soit de façon plus douce par la vaccination ou par une forme de contrôle des mouvements. Mais donc, si on dit outbreak, c'est vraiment l'idée d'explosion. Justement, le patient zéro, c'est le lieu de l'explosion. Et donc, on revient au patient zéro pour éviter que ça se transmette ailleurs. Cluster, c'est une notion qui apparemment se traduit par touffe, c'est-à-dire c'est vraiment l'idée de cas éparpillés autour d'un premier cas. Et donc, ça signifie que c'est beaucoup plus difficile justement de suivre la transmission. Donc, ça s'applique assez bien à une maladie comme le coronavirus qui se transmet de façon asymptomatique pendant longtemps, alors que outbreak, ça s'appliquait bien justement à la grippe, hein, où effectivement il suffisait que ça arrive dans un lieu pour que ça se répande rapidement et puis avec des effets très visibles. Là, cluster, c'est le caractère invisible en fait. Et c'est parce que c'est invisible qu'on parie sur le fait que des lieux à fort rassemblement comme les boîtes de nuit seront des lieux de diffusion, alors qu'on voit par exemple que c'est plutôt les abattoirs du fait de la température, de la proximité, de la difficulté des conditions de travail. Donc effectivement, cette notion de cluster, ce serait intéressant de voir à quel moment dans l'épidémiologie elle est passée du discours savant au discours politique pour justement accuser certains lieux plutôt que d'autres. L'OMS a confirmé que les échantillons de Hong Kong coïncident avec ceux de Londres, Tokyo et Abu Dhabi, et on nous signale quelques foyers importants à Francfort et au Caire. Est-ce qu'on avance dans la recherche du patient zéro ? Ça peut être Bess et Moff, le japonais du bus, ou une autre personne qui serait passée entre les mailles du filet. Oui, la recherche du patient zéro, c'est aussi un vieux motif de la santé publique aux États-Unis, hein, notamment avec Typhoid Mary, qui était une jeune femme employée, donc irlandaise, employée sur la côte est des États-Unis pour garder des enfants et qui avait la typhoïde, mais qui était porteur sain. Donc il y a eu tout un travail épidémiologique pour la retrouver, pour l'arrêter, pour la convaincre de ne plus continuer son travail. Ça a été un vrai cas dans les médias, un débat sur la possibilité d'attenter aux libertés individuelles donc au début du XXe siècle. Et puis ensuite, cette figure du patient zéro, elle est revenue avec la crise du sida et la figure de Gaëtan Dugas, qui était un steward homosexuel canadien, dont on a retracé tous les contacts et les relations sexuelles pour expliquer que c'était lui qui était à l'origine de la transmission du sida aux États-Unis. Donc c'est des grandes figures de héros sombres qui sont donc d'ailleurs souvent culpabilisés, hein, et qui continuent effectivement d'animer l'imaginaire des épidémies, mais qui s'est déplacé, c'est vrai, sur le contact avec un animal. Alors on se souvient d'Ebola qui était transmis par les singes, donc on imagine un contact avec des singes en Afrique centrale, où on sait maintenant qu'il y a des virus qui se transmettent sur les marchés chinois, et là aussi on voit Gwyneth Paltrow, donc dans Contagion, à la fin du film on apprend qu'elle aurait été en contact avec un animal sur un marché chinois, et que c'est elle le patient zéro. L'épidémie vient de Chine, hein, ça je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, hein, elle vient de la région de Wuhan, donc. Alors, on a trouvé une première femme qui avait vendu du poisson, je crois. Avant cette femme à Wuhan, on a trouvé un monsieur plus âgé, et apparemment, il y aurait eu d'autres cas avant encore. Donc, pour vous dire, le patient zéro, même à Wuhan, on ne le trouve pas. Après, vous avez un patient zéro dans chaque région. Hein, à partir du moment où, donc, vous savez que les virus respiratoires, elles suivent le transport aérien, hein, s'il n'y avait pas l'avion, il n'y aurait pas de, les virus respiratoires ne feraient pas le tour du monde en 6 mois comme elles le font. La grippe fait le tour du monde en 6 mois. Là, le coronavirus, il a fait le tour du monde en 3 mois. Hein, 3 mois. Il a presque tous les pays du monde en 3 mois, donc c'est pas mal. Et donc, elle a suivi le transport aérien. Dans chaque pays, il y a eu un patient zéro. Alors, lequel c'est en France, j'avoue que la question ne me passionne pas beaucoup, mais certainement, c'est quelqu'un qui est descendu d'un avion venant de Chine. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Mais le patient zéro de chaque nouveau foyer n'a aucun intérêt au point de vue scientifique. Aucun intérêt. Au point de vue épidémiologique, ça a un petit intérêt. Bon, savoir que c'est parti de Nantes ou de Marseille, on pourrait dire c'est de la faute aux Marseillais ou aux Nantais. Non, le patient zéro n'a qu'un intérêt en amont total de l'épidémie pour trouver le moment où un virus a été capable de franchir ce qu'on appelle la barrière d'espèce. C'est-à-dire, il a eu une mutation qui lui a permis de franchir, de sortir du pangolin, donc, puisque c'est le pangolin, pour aller chez un homme. Ça, c'est important de le comprendre, en tout cas. Parce que ça arrive souvent, des zoonoses, il y en a de plus en plus, des zoonoses, et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle zoonose, c'est la première chose qu'on essaiera de comprendre, c'est quelle est la mutation. Peut-être on va trouver des mutations qui se ressemblent toutes, pourquoi pas, hein. Voilà. Luc Pirineau, il ne faut pas confondre justement ce patient zéro avec le premier malade. Le patient zéro, donc, est un terme inventé, pratique, et puis en plus assez explicite. Hein, voilà. Et pourquoi on a dit zéro plutôt que un ? C'est pour ça que c'est intéressant, parce que le premier malade, ce serait le 1. Mais le 1, on le connaît jamais, donc on parle de patient zéro. Et plus on découvre, plus on a des moyens technologiques pour aller loin, pour remonter en amont des épidémies, plus on a de bons moyens, plus on fait remonter le patient zéro loin. Hein. Donc, puisqu'on a pris tout à l'heure l'exemple du sida, eh bien, donc pendant longtemps, on a dit que cet homme avait contaminé tout le continent américain. Puis après, on s'est rendu compte que ça venait d'une autre région. Puis après, on s'est rendu compte que ça venait d'Afrique. Et maintenant, on s'est rendu compte que ça venait de singes. C'était un virus simien. Et on s'est rendu compte, maintenant, on en est, je ne vais pas vous dire de bêtises, c'est 1920 ou 1917, la première contamination aurait eu lieu à ce moment-là, au Congo, donc justement, la République démocratique du Congo, en 1920, c'est un chasseur, enfin voilà, le scénario est à peu près établi, mais bon, c'est comme quand on fait de l'archéologie, on ne sait jamais, c'est un chasseur qui se serait contaminé avec le sang d'un singe. Depuis le début de l'épidémie, Pékin est surveillé. 23 des mesures janvier. Avaient déjà été prises pour désinfecter les gares, les aéroports et les centres commerciaux. Oui, qui est le patient zéro en Italie? Eh bien, cela reste un mystère. 24 février. L'identité pourtant est fondamentale pour éviter l'épidémie. En Vénétie, deuxième foyer par son importance, un groupe de 8 Chinois vivant en Italie, mais rentrant eux aussi. Le coronavirus a donc touché 17 personnes en France depuis le début de la crise et il a fait 2 morts. Le premier, c'était un touriste chinois, un monsieur de 80 ans. Le virus est arrivé en Europe, il est là. Et selon les experts, 60 à 70% de la population pourrait être infectée. Il s'agit donc de gagner du temps. On a commencé à traiter le sujet par une brève dans le journal. Donc une brève, c'est vraiment un tout petit article, c'est quelques lignes simplement. Et on a commencé à faire ça le 7 janvier. Cécile Thibert, journaliste scientifique au Figaro. Et donc voilà, on a écrit 59 cas d'une pneumonie atypique survenue à Wuhan. Les autorités chinoises pensent que c'est lié à un marché de poissons, etc. Bon, on n'en savait rien, enfin on n'en savait pas grand-chose. Et le premier article arrive le 10 janvier, donc 3 jours plus tard. Donc là, un article de taille conséquente qu'on intitule « Faut-il s'inquiéter de l'apparition d'un nouveau coronavirus en Chine ?» Donc à ce moment-là, il n'y avait que 59 cas en Chine, quelques cas graves. Et on écrit « Pour l'heure, l'épidémie semble sous contrôle. Les autorités chinoises pensent que le virus n'est pas transmissible d'homme à homme. Pour le moment, ils n'ont pas d'indices qui leur montrent ça. » Et on termine en disant « L'OMS ne déconseille pas de voyager en Chine. » Donc on en était là le 10 janvier. Et puis, petit à petit, en fait, le sujet est devenu de plus en plus présent jusqu'au 13 février, justement, où là, on écrit un article. Pour les experts, le monde est au bord d'une pandémie. Donc, c'est un article où on a convoqué plusieurs épidémiologistes français, suisses, etc. Mais nous, je dirais que, enfin, moi en particulier à la rédaction, je crois que j'ai vraiment pris la mesure du problème sanitaire le 11 mars. Quand on a une étude, une modélisation en fait d'une université londonienne qui publie ses modélisations, plusieurs scénarios en fonction des mesures barrières, etc. Où là, on se rend compte qu'en fait, ça risque d'être grave. Nous, à côté de ça, avec mes collègues, on commence à regarder vraiment les courbes de l'épidémie. Et là, on prend conscience que c'est une exponentielle. Et on se rend compte que si on continue comme ça, s'il n'y a pas de confinement qui est décidé, rien du tout, dans 2-3 semaines, finalement, les services de réanimation seraient pleins. Et donc là, voilà, grosse prise de conscience. Et je me souviens, ce mercredi-là, être rentrée chez moi le soir, j'étais vraiment inquiète, quoi. Mais Cécile Thibert, vous n'étiez pas déjà alarmée par la situation en Italie à ce moment-là ? En fait, on était un petit peu... depuis le début, on voyait la situation en Chine. On les a vus construire 2 énormes hôpitaux. Ça n'a pas inquiété grand monde. Enfin, je veux dire, moi, une semaine avant le 11 mars, donc ouais, vers le début mars, j'avais quand même des grands virologues français qui me disaient « c'est une grippette ». On a interviewé plein de gens, etc., qui n'étaient pas particulièrement alarmés jusque-là, malgré la situation de l'Italie. Donc nous, on n'était pas spécialement alarmés, quoi. C'est arrivé très, très soudainement. Et je pense qu'on a un peu tous écrit ou dit des bêtises, parce que finalement, il y a des choses qu'on a apprises au fur et à mesure. Donc voilà, la science a progressé, l'information au public a suivi la science et... Il y a eu des erreurs de part et d'autre. Beaucoup reste à apprendre sur le coronavirus et comme la nature et les réseaux sociaux ont horreur du vide, les théories les plus farfelues circulent sur la toile. Pour se prémunir de la maladie, il suffirait ainsi de devenir végétarien. Il y a désormais en France 3 cas confirmés de coronavirus. 3 patients recensés à Bordeaux et à Paris. Ces malades ont tous séjourné en Chine. Ce sont les premiers cas européens. Jeudi, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, expliquait à la presse que la maladie avait peu de chances d'arriver en France. Le coronavirus venu de Wuhan n'est aujourd'hui qu'une urgence sanitaire pour la Chine, a dit le patron de l'OMS, mais il peut encore devenir une urgence pour le reste du monde. La science, c'est d'abord factuel. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Donc, en plus factuel pour un clinicien, la science, c'est qu'est-ce que je vois quand quelqu'un me dit j'ai fait un test, j'ai le coronavirus. Je lui dis comment allez-vous ? Vous allez bien, donc on n'en parle plus, ça n'existe pas. Un test, c'est rien. Comment je vais ? Est-ce que vous toussez ? Est-ce que vous ne pouvez pas bien respirer ? Bon, vous ne touchez pas au risque. Ne me parlez même pas de votre test. Ça n'a aucune importance. Donc maintenant, on en arrive à dire, à la télévision, on parle du nombre de patients testés positifs, qui n'ont pas de symptômes, qui ne sont pas malades, qui ne le seront jamais, qui ne mourront jamais. De ça, ils mourront aussi. À 100 ans, mais écrasés par un autobus à 100 ans. Voilà. Mais pas du coronavirus. Voilà. Donc, la seule réalité au niveau épidémiologique pour une virose respiratoire très contagieuse, il n'y a qu'une réalité épidémiologique, c'est le nombre de morts par million d'habitants. C'est la seule donnée sur laquelle, d'abord, on ne se trompe pas. La seule donnée où on ne peut pas tricher, où on ne peut pas se tromper, c'est le nombre de morts par million d'habitants. Alors, vous savez, dans le domaine scientifique, surtout du vivant, je dois avoir un critère quand je fais une étude. Il faut que mon critère soit bon. Le bon critère, il n'y en a qu'un, à ma connaissance, ce n'est pas les tests positifs, ce n'est pas la clinique, ce n'est pas la réanimation, c'est le nombre de morts par million d'habitants. C'est le seul critère. Donc je prends ce critère-là, et à partir de là, je construis mon épidémiologie. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un journalisme sérieux? Jean-Paul Krivine, de la revue Science et Pseudosciences. Quand on traite des questions relatives à l'information scientifique, c'est déjà la prudence qui va à côté de l'information qu'on énonce, de ne pas mettre un témoignage au même niveau qu'une étude, de ne pas considérer que certaines études, il suffit de regarder même ce qui est dit dans l'étude, ne sont pas même au même niveau qu'un essai contrôlé rigoureux, qu'un avis d'agence sanitaire qui a analysé l'ensemble de la littérature scientifique est quand même d'un niveau un petit peu plus solide. Et donc, souvent, ça s'est oublié. Regardez le nombre d'articles de journaux ou d'émissions de radio et télévision qui commencent par « une étude montre que ». Et on oublie de dire « mais qu'est-ce qu'on savait avant ? Qu'est-ce que les autres titres disaient ? Pourquoi celle-là changerait ou pas les choses ?» Et ça, c'est fondamental. Donc, la première chose qu'on peut attendre, d'un bon journalisme, c'est de redonner ce contexte et de garder toute la prudence qui va avec. On peut donner, parce que le grand public a découvert les préprints dans cette pandémie, beaucoup de journalistes ont relayé des articles en préprint, c'est-à-dire préprint, ça veut dire qu'ils ne sont pas publiés, en oubliant la mise en garde qui est écrite en gros sur tous les sites de préprint. Cet article n'a pas été évalué et donc ne peut pas être utilisé ni pour recommander un traitement, ni dans l'information scientifique, sans faire état de cette réserve-là. Bon nombre de journaux ont complètement oublié ça. Après, faire du journalisme, c'est pas non plus se transformer en une revue scientifique aride. Le témoignage a sa place, mais le témoignage n'a sa place que s'il vient corroborer un état de la connaissance qui est un peu plus sérieux. Il n'a pas sa place pour se substituer à cet état de la connaissance. Pour ce qui est de la presse écrite où je passe l'essentiel de mon temps, ce qui est intéressant, c'est que normalement, en fait, le service sciences et médecine, il est un petit peu considéré comme secondaire. Il passe toujours un peu sur un second plan en temps normal. Et là, je crois qu'on est vraiment passé au premier plan, mais au tout premier plan, ce que je n'avais jamais vu du haut de ma petite expérience. Finalement, ça fait que 5 ans que je travaille ici. Mais là, j'ai vu notre service devenir le pilier vraiment de la rédaction pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, où on faisait ce qu'on appelle des événements. Donc un événement, c'est un ensemble de papiers autour d'un thème. Par exemple, où sont passés les masques, où on en est de la recherche du vaccin, etc. Où on décline à travers 3, 4, 5 angles des articles sur ce thème-là. Et ça, c'est un travail très intéressant parce qu'on se coordonne avec d'autres équipes, avec les équipes en économie, avec les équipes à l'international, entre nous. Ça demande une réflexion beaucoup plus large que le travail au quotidien où finalement on publie 2 articles sur 2 thèmes différents. Voilà. Et donc, on a vu pendant cette période-là que tous les autres services, la direction, les chefs, de manière générale, se tournaient vers notre service, demandaient des conseils, demandaient vers quoi il faudrait aller, etc. Donc, on avait vraiment un rôle très, très fort. Et ça a été un vrai plaisir, quoi, de se sentir être le cœur de cette rédaction. Même encore aujourd'hui, donc fin août, quand il y a des dépêches en santé, qui parfois posent question aux journalistes du pôle actualité, ils viennent nous consulter, ils nous disent « tu peux jeter un œil à cette dépêche, qu'est-ce que tu en dis ?» Voilà, ils nous demandent en fait une validation, ce qui est en fait un processus très sain. Alors au début, ça se passait pas trop mal. Il faut dire ce qui est, les journalistes des médias généralistes. Marc Gosselin, journaliste scientifique. Presse écrite comme audiovisuel, ont joué le jeu en posant les questions qu'il fallait au moment où la pandémie était limitée en Chine, à Wuhan. même au moment où les premiers cas sont apparus, même au moment où il y a eu ces premiers clusters dans l'Oise, les journalistes posaient les bonnes questions. Mais je pense que le tournant a été le 10 mars, lors d'une émission de télévision, en prime time, sur France 2, où l'animateur et certains des invités n'avaient de cesse que de rassurer les Français. Et en tant que journaliste médico-scientifique, je pense que le propre du journalisme n'est pas de rassurer, mais d'informer, de contextualiser, d'éclairer en l'état des connaissances médicales et scientifiques du moment. Sylvain Laurent, sociologue. Je pense qu'il y a un profil du journaliste scientifique, autodidacte, sincèrement passionné de science, qui n'a pas fait de la science sa profession, mais qui est toujours au contact de la science. Ce type de profil-là, à mon avis, est très précieux pour le fonctionnement d'un espace public. Parce que ce sont des gens qui ont à la fois un background en science exacte suffisant pour se saisir des sujets, très différents. Donc ils le font avec une culture scientifique réelle. Et en même temps, ils ont ce goût et ce souci d'expliquer des choses au grand public parce que ce sont des journalistes. Et je pense que la profession de journaliste scientifique, elle est fondamentale pour un espace public qui repose sur l'idée de vérité. Et je ne sais pas si c'est à des savants eux-mêmes de faire ce travail de transdisciplinarité au service des médias. Je pense que c'est vraiment à des gens dont c'est le travail de rendre compréhensibles les problèmes sans équation, sans langage mathématisé, etc. Mais donc là, ça suppose qu'il y a des gens dont ce soit le métier. Et moi, ce qui me fait très peur dans la période qui arrive, c'est qu'il y a des dispositifs de plus en plus forts pour court-circuiter ce type d'intermédiaire ou de métier. Ou alors occuper cette zone-là en espérant que ces vulgarisateurs écriront des choses au service de telle ou telle industrie. Et ça, c'est quelque chose qui a changé depuis les années 80. Il y a eu beaucoup d'énonciations dans l'espace public, des enquêtes manipulées sur le tabac, etc. Et donc, il y a une espèce de raffinement toujours plus poussé de ces stratégies d'influence, etc. Mais fondamentalement, ça commence à toucher cette zone critique qui est une zone importante, celle du rôle joué par les journalistes scientifiques et les vulgarisateurs de sciences. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut qu'on maintienne cette profession de journaliste scientifique, parce que c'est vraiment un maillon, une rotule essentielle entre l'univers scientifique tel qu'il fonctionne, de façon très spécialisée, avec des disciplines, etc., et l'espace médiatique et le grand public. Angela Merkel, 19 mars. Permettez-moi de dire que tout ça est sérieux. Prenez-le aussi au sérieux. Depuis la réunification allemande, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de défi pour notre pays qui dépende autant de notre action commune et solidaire. Nous devons limiter autant que possible le risque que l'un infecte l'autre. Je sais que nous imposons déjà des restrictions telles qu'on n'en a jamais vu auparavant en République fédérale. Laissez-moi vous assurer, pour quelqu'un comme moi, pour qui la liberté de voyage et de circulation était un droit durement acquis, de telles restrictions ne peuvent être justifiées que par une nécessité absolue. Dans une démocratie, elles ne devraient jamais être décidées à la légère et seulement temporairement, mais elles sont indispensables pour sauver des vies en ce moment. Personne n'est sacrifiable, tout le monde compte, cela demande tous nos efforts, cela dépend de chacun. Non seulement on a pas mal parlé d'un écart entre Philippe Hünemann, philosophe et historien des sciences, les scientifiques et le grand public. Et c'est vrai que l'exemple type, c'est le grand public ne comprend pas les exponentielles. Quelqu'un qui a une formation mathématique sait que si vous avez un temps de doublement de 2 jours d'une épidémie, même si là vous avez 4 malades, c'est 4 malades en Chine. Les gens disaient 4 malades en Chine, c'est rien. Si vous avez un temps de doublement de 2 jours, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé avec le coronavirus. Les épidémiologistes savent ça très bien, mais en général, les gens qui ont une formation scientifique le savent. C'est ce qu'on a aussi remarqué avec Merkel. Merkel a été chimiste, elle a une formation scientifique, elle a tout de suite compris le problème. Quand elle expliquait ça à la télévision, ce que c'était que la diffusion du Covid, c'était extrêmement clair, c'était tout à fait ça. C'était en France, c'était quand même très très très très laborieux. Mais au-delà de ça, il y a aussi des écarts entre les différentes disciplines scientifiques. Parce qu'on a vu avec le coronavirus, c'est en gros une guéguerre entre les épidémiologistes, les virologues, les infectiologues, les médecins. Enfin, tout ça, c'est des disciplines scientifiques différentes, donc des gens qui ont ce qu'on appelle une culture épistémique différente. Et donc, ce qu'on a vu dans ce coronavirus, c'est de manière très très affûtée, en fait, ces écarts de culture épistémique entre disciplines qui mènent à ne pas comprendre ce que fait le voisin. Donc, si vous voulez, à la fin, la décision politique se prend sur des discours scientifiques qui sont parfois pas complètement synchrones les uns avec les autres, en fait. On a un peu une vision, souvent un petit peu dichotomique, où on aurait d'un côté les savants, de l'autre côté l'espace public. Moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est de montrer qu'il y a toute une zone en fait intermédiaire entre le chercheur qui est sur sa paillasse et qui est tous les jours au travail et un peu dans le noyau dur de la recherche, qui travaille sur les vaccins, sur la question des virus, etc. Et puis il y a, on va dire, tout un encadrement administratif aux chercheurs, hein, et donc avec des gens qui sont parfois un peu plus éloignés de la recherche, mais qui gèrent les outils administratifs. Il y a aussi toute une sphère qui sont des gens d'amateurs de science, des gens qui défendent la science dans l'espace public ou qui sont d'anciens chercheurs à la retraite, mais qui ont gardé une forme d'autorité dans l'espace public. Typiquement, Axel Kahn qui passait sur BFM avant-hier pour expliquer qu'il fallait mettre le masque dans la rue et qui donc est à la retraite et démérite, mais garde une forme d'autorité et donc une parole à ce niveau-là qui est sollicitée par les médias et aussi par les décideurs. Et puis après, il y a l'espace des médias et l'information. Et je trouve que si on veut comprendre ces enjeux-là, il faut vraiment comprendre ce qui se joue dans cette zone intermédiaire parce qu'il y a là tout un tas de choses qui ne fonctionnent pas exactement comme fonctionne la science. Par exemple, on trouve des chercheurs qui sont spécialistes en biologie végétale et qui vont se mettre à défendre des sujets étant liés à la cancérologie, par exemple, en disant les OGM ne donnent pas le cancer ou le glyphosate n'est pas cancérogène, alors qu'ils sont spécialisés des plantes et qui se retrouvent désormais à parler d'oncologie humaine. Et donc là, il faut faire attention, je pense, il faut se donner des critères, je pense, y compris quand on est citoyen, pour pondérer. C'est pas parce que quelqu'un a une blouse blanche ou qu'il a un titre, un doctorat, qu'il est forcément compétent sur tous les sujets. Je trouve que la crise du virus a montré ce phénomène de façon très claire, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui ont pris la parole avec une autorité scientifique, des médecins qui n'étaient pas spécialement spécialisés en virologie, mais qui étaient sollicités par les médias et qui venaient dire leur point de vue, des choses aussi qui étaient en décalage avec l'état des données, c'est-à-dire on a beaucoup de scientifiques qui ont pris la parole alors que les données n'étaient pas forcément là. Pour moi, si on veut comprendre ce qui se joue dans les débats publics autour de la science ou du virus, il faut se dire que le temps médiatique n'est pas le temps de la science, mais qu'il existe aussi toute cette zone d'intermédiaire entre les gens qui pratiquent la recherche et l'espace médiatique. Et c'est dans cette zone-là que se crée de la distorsion et de la déformation autour de l'information scientifique. Axel Kahn qui vient conseiller aux gens de porter un masque sur un plateau de télé, en quoi ça peut être gênant ? Ah, c'est pas du tout gênant. Simplement, c'est que il y a ce qu'on a appelé un peu méchamment dans l'ouvrage avec Stéphane Foucard et Stéphane Aurel, une zone mondaine de la science. C'est-à-dire une zone où on va retrouver des gens qui étaient anciens présidents du CNRS, anciens présidents d'un comité d'éthique, ou etc. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément tous les matins en train de chercher ou d'avoir une pratique de recherche. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que, et je dis pas ça du tout pour le cas d'Axel Kahn, mais pour tout un tas d'autres figures, c'est que ces acteurs-là, en fait, sont courtisés par tout un tas d'intérêts privé. Je ne dis pas que les figures de type Axel Kahn ou autres seraient foncièrement corrompues. Je dis juste que dans cette zone-là, dans cette zone de gens, des académies, etc., il y a d'autres acteurs qui gravitent et qui ont compris toute l'importance que revêt l'autorité scientifique dans le débat public. Et que sur certains enjeux, il est très important d'avoir un prix Nobel qui intervient en votre faveur ou qui va prendre position en expliquant que telle agence a dit que tel produit était cancérogène, mais c'est pas forcément le cas, etc. Tout ce que je dis là est assez facilement vérifiable. Il suffit d'aller voir le site de présentation d'une agence comme Protéines qui propose en permanence un panel d'experts scientifiques au service de firmes. En fait, c'est un marché, en fait, l'autorité scientifique. Et donc, si on veut pas être juste dans un rapport de naïveté par rapport à ça, il faut intégrer le fait qu'il y a des opérateurs économiques qui, pour permettre de continuer à vendre leurs produits ou le mettre en circulation, ont besoin d'avoir ce type d'alliés. Quand le politique est en désarroi, il se tourne souvent vers la science. Et plus une science produit des experts aux avis apparemment scientifiques définitifs, donc il ne se tourne pas vers les historiens, les sociologues, les sciences humaines en général. Non, non, il se tourne vers ceux qui vont avoir l'air scientifique. Donc, c'est un jeu à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Donc c'est pas tellement qu'ils se soient emparés des scientifiques, c'est aussi les scientifiques qui se sont emparés d'eux, qui se sont disputés entre eux pour qui aurait le plus d'influence sur la décision politique. Donc dans ces situations de désarroi, les politiciens ont tendance à se défausser sur les scientifiques, évidemment, pour « nous obéissons à la science », ont-ils dit. « Ce que nous vous imposons, c'est les scientifiques qui le disent, autorité scientifique. » Et les scientifiques, quand ils sont des experts, peuvent avoir tendance à dissimuler un peu l'étendue de leur non-savoir. Ils vont certainement pas dire « ne nous demandez pas conseil, pour le moment, on n'en sait rien ». Non, leur rôle, c'est de défendre l'ordre public et d'aider l'État. Pour moi, c'est très frappant. Pas tout de suite, mais après un certain temps, je crois que c'était en juin, je ne sais plus, certaines équipes scientifiques ont pu assez bien connaître le génome du virus pour voir les mutations et, d'après les mutations, suivre le parcours du virus. Ça, c'est une bonne question. Ils sont outillés pour faire ça. Par contre, quand il est question de comment un virus rencontre un corps, ça, c'est toute une histoire et une histoire complètement intriquée. C'est quelque chose par rapport auquel il n'y a que l'empirisme des récits, des cas toujours multiples. Par rapport à ça, un certain type de savoir balbutiant peut se produire, mais ça prend du temps. Et souvent, ça ne va pas très loin. On a toujours des surprises. On continuera à avoir des surprises avec ce virus. Parce que ce n'est pas le virus qui est la cause. C'est la rencontre qui cause, qui fait que le corps répond sur un mode qui est celui du corps. Donc, connaître un virus, ça, on a fait tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à connaître ? Ses gènes. Et éventuellement, les protéines qui l'entourent, ça, on est équipé. C'est un bon problème de laboratoire, mais les Chinois l'avaient déjà. Mais qu'est-ce que fait ce virus quand il rencontre un corps ? C'est un problème complètement différent. On est quand même dans une ambiance assez propice à la panique et avec un horizon catastrophique qui permet, qui est une sorte d'alibi pour prendre le contrôle des corps. On peut parler de biopouvoir et d'injonctions un peu infantilisantes. Alors, le biopouvoir, c'est une notion qui a été forgée par Michel Foucault en 1976, donc justement au moment où il y avait ces nouvelles maladies infectieuses qui apparaissaient, et Foucault pensait plutôt à des maladies chroniques, à vrai dire, hein, le cancer, les maladies cardiovasculaires. À l'époque, on pensait que, notamment par des technologies d'assurance, les gouvernements allaient pouvoir contrôler la diffusion de ces maladies et adapter les réponses aux risques des individus. Donc c'est ce qu'on appelle le gouvernement néolibéral où les individus doivent gérer leurs propres risques, calculer en permanence leur exposition à ces maladies, cancer ou maladies cardiovasculaires. Et puis avec ces nouvelles maladies infectieuses, effectivement, les gouvernements ont dû adopter une autre technique politique qui n'est pas celle du calcul des risques, mais l'imagination des catastrophes. Et ça, c'est plus difficile parce que on peut pas déléguer à l'individu le calcul de ses risques, comme quand il s'agit de fumer, de manger. Mais il faut prendre des mesures parce qu'on imagine la catastrophe que serait une pandémie de coronavirus ou de grippe qui serait ingérable dans le système hospitalier. Et on demande aux gens de prendre des mesures contre des virus qu'ils ne voient pas, contre des risques qu'ils n'imaginent pas. Donc, effectivement, c'est quand même une biopolitique assez nouvelle qui suppose que un gouvernement au Chili ou en France s'appuie sur le diagnostic d'un virologue dans le sud de la Chine. Attention, ce virus est très dangereux. S'il arrive à vos frontières, il va falloir vous confiner ou il va falloir vous vacciner ou porter un masque. Donc c'est effectivement une biopolitique mondialisée, mais c'est pas un gouvernement mondial. C'est effectivement des signaux d'alerte qui viennent de l'autre bout du monde et que notre gouvernement doit adapter à notre tradition nationale, qui en France est plutôt liée justement à des techniques d'État-providence, hein, où finalement les risques sont calculés par nos mutuelles d'assurance, par la sécurité sociale. On sait à peu près comment collaborer avec l'État pour prévenir ces risques, mais se préparer à une pandémie, c'est beaucoup plus compliqué. Nous estimons qu'il y a à l'heure actuelle 89 000 cas et que nous atteindrons bientôt les 267 000 cas. Et à partir de là, en utilisant notre modèle de propagation avec un R0D2, voici où nous pensons en être dans 48 heures. Docteur Shiver, pouvez-vous nous faire un point sur les recherches? Jusqu'à aujourd'hui, nul n'est parvenu à cultiver le virus sur des cellules. Pourquoi cela? Parce qu'il tue toutes les cellules dans lesquelles on le place, un poulet, un cochon, etc. Tant qu'on ne sera pas en mesure de le cultiver en grande quantité, nous ne pourrons le soumettre à des expériences ni trouver de vaccin contre lui. Avez-vous découvert le moindre traitement? Le moindre antivirus, quoi que ce soit? Non. J'ai l'habitude, et j'y tiens, ça m'est utile de bien distinguer imagination, qui est une puissance active, et imaginaire, qui est plutôt passif et plaintif. Plaintif, oui. Et je crois qu'effectivement, par exemple, que les gens auront appris, auront compris, et que après doit être différent d'avant, c'était un peu d'imaginaire. Et maintenant, il est devenu plaintif, alors que l'imagination active, c'est quelque chose qui existe, notamment chez les scientifiques. Un scientifique sans imagination est juste bon à reproduire fidèlement des choses déjà connues, etc. C'est, comme on dit, c'est utile, mais on les méprise un peu. Mais l'imagination chez les scientifiques est tout à fait canalisé à contribuer à la science. Donc elle peut être remarquable, mais elle n'est pas du tout une imagination, ça s'entraîne et ça s'instruit, contrairement à l'imaginaire. Et l'imagination des scientifiques est en général remarquablement mutilée dès qu'il s'agit des conséquences de ce qu'ils proposent. Par exemple, dans le cas de la pandémie, c'était un grand moment parce que tout à coup on les écoutait, etc. Mais en général, les épidémiologistes n'ont pas dit et on a aussi besoin d'autres types de scientifiques et d'autres types de savoir que celui purement médical ou d'ordre public, etc. Ils n'ont pas eu l'imagination de dire seul on peut être utile, mais seul on n'est pas à la hauteur. On est dans un monde qui favorise l'imagination. Les artistes doivent avoir de l'imagination, les scientifiques, tout le monde. Les investisseurs doivent être pleins d'imagination. Tout le monde doit avoir de l'imagination, mais elles sont chaque fois tout à fait canalisées, on pourrait dire professionnalisées. Et l'idée d'avoir une imagination active sur ce dont on manque, non pas pour tout couvrir, mais pour s'articuler à d'autres qui peuvent vous aider à penser, ça c'est pas favorisé du tout. Or c'était ça, faire sens en commun. C'est aussi fabriquer des liens entre manières d'imaginer qui seraient incomplètes et dangereuses si elles ne s'articulent pas aux autres. Donc il y a eu aussi Il s'agit aussi, c'est une expression que j'aime bien, de repeupler nos imaginations. Les repeupler au sens de ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire là où les imaginations sont interdépendantes et s'entrenourrissent les unes les autres. Et pour ça, c'est vrai que je trouve plus de ressources en science-fiction que dans des ouvrages de type socio-épistémologique. Je crois que certains auteurs de science-fiction sont les chercheurs en sciences sociales. Ils expérimentent sur ce que pourrait être une société dans des conditions un peu différentes. Ils créent des fictions de pensée. C'était « Les imaginaires d'une pandémie » par Lydia Benitzrak. Avec Isabelle Stengers, Luc Perrineau, Frédéric Keck, Jacques Van Elden, Cécile Thibert, Jean-Paul Crivin, Marc Gosselin, Sylvain Laurent, Philippe Unman. Merci à Mircea Sofonia, Antonio Casilli et à Jean Barret. Documentation, Caroline Chausset, Nathalie Rovillain, Christine Anzano, Béatrice James. Extrait du film Contagion de Steven Soderbergh. Prise de son, Martin Troadec, Sandrine Malon, Benjamin Thuot, Thomas Robin, Arthur Dumont, Élise Leu. Réalisation, Assia Khalid. Mixage, Olivier Dupré. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au laboratoire, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Apolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tenk, notre partenaire, vous pouvez voir « Cherche toujours » le formidable documentaire d'Étienne Chaillot et Mathias Théry consacré au vertige de la recherche. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, publier ou périr. Mais en attendant, restez à l'écoute.